Notre fétiche c'est 1 milliard en euros. Donc c'est pas pour du tourisme que je suis en Europe. Parasasié par mes choses ni par ma chaîne en or. Car j'ai vu des nègres avec des palaces et ma mère m'a dit que j'en aurais. Ok, c'est Mr. KR, Mr. Ambition comme CJ à Los Santos, Mr. Ambition. Oui messieurs les concurrents, je viens les faire s'asseoir. Car j'ai du savoir-faire et je viens le faire savoir. Okay. Objectif milliardaire, mais millionnaire c'est mieux que rien. En attendant le H2, on fait les choses mieux que bien. Objectif ridiculisé, Bill Gates le patron. Mais même si on finit comme Jay-Z, on se plaindra pas trop. Faut un peu moins de soucis, un peu plus de sous. Un cheval sur le capot et beaucoup plus de sous. Laissez passer le prétentieux un but. Même si j'y arrive jamais, au moins j'aurais eu un but. Paraît que ça manque de couleur à Saint-Trope, mais j'arrive comme une dizaine de nègres qui s'invitent à ton manif. Je me sentirai à l'étroit dans le box des accusés. Donc je préfère opter pour les buts du jacuzzi. Paraît que ça manque de couleur à Saint-Trope, mais j'arrive comme une dizaine de rebeux qui s'invitent à ton manif. Je me sentirai à l'étroit dans le box des accusés. Donc je préfère opter pour les bulles du jacuzzi. Ne me demande surtout pas de lâcher l'affaire. Toi aussi on demande pas à Satan de lâcher l'enfer. À la manière d'une aiguille je vais percer perso sans piston. Je suis pas assassin, mon père c'est personne. Mais je persiste, c'est dans votre rap que je vais faire des piercings. Irréversible, c'est juré, vous me direz merci. Je veux être tenu comme le fric, omniprésent comme l'air. Toucher tout le monde comme la mort, négro tu connais. Mes délires au degré 3 comme la brûlure. C'est humain tant qu'à faire, on choisit la paume la plus mûre. Donc on s'arrêtera quand nos blasts seront dans le Larousse. Jacuzzi, elles nous embrasseront dans de la mousse. En attendant, on kick sauvage comme les phoques de la brousse. Dans le but fou qu'un jour de l'or sorte de la bouche. Aucune couronne n'est trop belle pour ma sale tête. J'accepte le SMIC, mais pour l'équivalent de 4 siècles. Paraît que ça manque de couleur à Saint-Trope, mais j'arrive comme une dizaine de nègres qui s'invitent à ton manif pour récupérer l'or de mon peuple. Une fusée avec un accent normal, c'est mon peuple. Paraît que ça manque de couleur à Saint-Trope, mais j'arrive comme une dizaine de robes qui s'invitent à ton année pour récupérer l'or de mon peuple. Une fusée avec un accent normal, c'est mon peuple. Venu décrocher le titre en chevauchant mon missile. Même si pour le voler comme l'Italie en 2006. Je veux peser jusqu'à ce qu'ils me haïssent. Et ça grâce à la musique. Car les incoblettes demandent plus de portables que de news. La grand-mère est persuadée que je vais finir président. Et sa fille a trop galéré, je peux pas être hésitant. Hésitant, ce réacteur j'ai placé mon espoir. C'est que pour toutes mes idées la planète est trop étroite. Et dans ton MP3 je m'emplace comme les fêtes à l'arrière de la limo. Dans la place c'est le futur en personne. MC véritable, j'arrive comme la fin du monde. C'est inévitable, ma chatte c'est KR. D'une classe rare comme une jeune vierge. Toujours entouré de meufs fraîches, tout comme jeune vierge. Mais pour gâter mes petits cousins qui me comparent à Tupac. Et pour que ma daronne ait plus de chaînes que Barracuda. Paraît que ça manque de couleur à Saint-Trope, mais j'arrive comme une dizaine de nègres qui s'invitent à ton anime. Pour faire mal au rap, ça ne sera pas un accident. Je vais tout péter, je finirai ma carrière à la Zidane. Paraît que ça manque de couleur à Saint-Trope, mais j'arrive comme une dizaine de rebeux qui s'invitent à ton anime. Pour faire mal au rap, ça ne sera pas un accident. Je vais tout péter, je finirai ma carrière à la Zidane. Paraît que ça manque de couleur à Saint-Trope, mais j'arrive, ok. T'as capté le délire ou pas? Laisse-moi rêver un peu. Hérétique 6-7. Mais y'a une part de vérité, ma gueule. Si tu vises la lune, t'auras peut-être une étoile. Si tu vises le plafond, n'aie pas peur du sous-sol, mon pote. Faut voir loin. L'argent fait pas le bonheur, alors imagine quand t'en as pas. Si on pouvait avoir autant de fric que de soucis. Ok. Ouais. Encore un son sans limite comme Master P. Encore un gros morceau comme Mr. T. Ou Mr. KR. C'est qui ça? 2050. 3, 2.